script. C'était pas écrit dans le script. On va tout baiser dans le rap et au pire c'est pas grave, on achètera des strips. Des bâtons dans les roues, à cause des balances on finit sous écrou. Ou bien sous CR, tu sais que je sais tout. Aujourd'hui t'es à terre, ce que t'as fait c'est à nous. Maintenant t'as well. L'amitié ça vaut 4000 euros, c'est tes amis d'enfance qui viendront te descendre. Tu les reconnaîtras le jour de la descente. Demande une calage pour le 25 décembre. Mes amis sont sénégalais, mes ennemis essaient de m'égaler. Allez l'OM, écrit sur le tifo. Tu veux test, mais t'es fou, on est prêt à canner. Pour le maillot, j'ai nourri les miens, ils m'ont pas remercié, donc j'ai coupé les liens. On revient de loin, j'ai nourri les miens, ils m'ont pas remercié, donc j'ai coupé les liens. Heureusement que c'est Dieu qui donne, si c'était l'humain, on aurait eu rien, rien. Heureusement que c'est Dieu qui donne, si c'était l'humain, on aurait eu rien, rien. Quand je traînais dans la thèse, hein, ces bâtards me trouvaient mesquin. Aujourd'hui je suis dans la Tesla, j'ai fait confiance à mon destin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Quand je traînais dans la thèse, hein, ces bâtards me trouvaient mesquin. Aujourd'hui je suis dans la Tesla, j'ai fait confiance à mon destin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Roue arrière d'Herbel à la Millière, roue arrière d'Herbel à la Granière. Je fais des fautes mais j'arrête pas la prière. Je regrette pas tout ce que j'ai carotte. Pour me racheter je fais des marottes. Des fois je prends des news de la daronne. Je suis rentré au star, elle m'a levé la parole. Quand je suis tombé je les ai vus ravis. Je te veux pour la nuit, ne m'appelle pas ma vie. Je suis le capitaine, le grand guide du navire. Je lis un bouquin qui me prédit l'avenir. Je me considère comme un miraculé. Je te considère comme un vrai enculé. Maintenant qu'on est là gros tu veux reculer. T'as mal calculé, rien ne va plus et ça ne fait que s'empirer. Tu peux te faire charcler en faisant une virée. Même si c'est chaud, tu crois que je m'en irai. Quand je traînais dans la thèse, hein, ces bâtards me trouvaient mesquin. Aujourd'hui je suis dans la Tesla, j'ai fait confiance à mon destin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Quand je traînais dans la thèse, hein, ces bâtards me trouvaient mesquin. Aujourd'hui je suis dans la Tesla, j'ai fait confiance à mon destin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin. Ils font pas la guerre mais ils veulent le festin.